Section 14, chapitre 14. Une île qu'on a sans cesse devant les yeux, mais à une assez grande distance de la côte pour que la vue ne puisse pas l'explorer complètement, est une sorte de défi à la curiosité. Sur la vaste étendue de la mer mouvante, elle reste fixe, comme un point d'interrogation au milieu d'une page blanche. On la regarde, on l'étudie, on y revient à chaque instant pour tâcher de deviner ce qu'on n'a pas vu. Et comme par suite des changements de lumière, son aspect se modifie d'heure en heure, de minute en minute, selon le caprice d'un nuage, de la pluie ou d'un rayon de soleil, on ne parvient jamais à s'en faire une idée précise. L'imagination travaille et vient ajouter ses fantaisies à celles de la vision. C'est ainsi que depuis longtemps, les îles de Wight et de Weddick avaient provoqué la curiosité de Charlotte. Qu'étaient ces plaques d'un vert sombre au printemps et d'un jaune pâle l'été, qui çà et là couvraient les îles? Qu'étaient ces amas bleuâtres qui ressemblaient à des maisons? Qu'étaient ces trous noirs qui ne ressemblaient à rien? Maintes fois, en ces jours de mélancolie, alors que la fenêtre ouverte accoudée sur le balcon, l'esprit perdu dans les profondeurs du ciel, suivant de l'œil les oiseaux de mer qui le soir dirigeaient leur vol de ce côté, elle s'était posé ces demandes. Mais toujours, elles étaient restées sans réponse. Car monsieur de la Hérodière, qui de temps en temps parlait comme d'une chose arrêtée d'aller visiter les monuments mégalithiques de Weddick, n'avait jamais trouvé le moyen de réaliser son désir. Il n'y a pas un service régulier de bateau entre la côte et ces îles. Il faut prendre une barque à Port Navalo, partir sans trop savoir quand on reviendra, où l'on couchera, où l'on mangera. Et devant ces embarras considérables pour lui, monsieur de la Hérodière ne s'était jamais décidé. L'idée d'une excursion sur le Bourguignon fut donc favorablement accueillie par tout le monde. Charlotte, il est vrai, pensa que c'était encore une journée d'intimité perdue, mais au moins elle la passerait avec Georges, cette journée. Ils visiteraient ensemble un pays inconnu. Ce serait ensemble qu'ils en feraient la découverte, et plus tard, ils pourraient parler de leur voyage. Le temps qui était au beau fixe depuis plusieurs jours changea dans la nuit. Le baromètre baissa rapidement, et le matin, le soleil se montra enveloppé de gros nuages cuivrés. « Si nous ne partions pas, » proposa monsieur de la Hérodière. « Oh, mon oncle, » répliqua Georges, « vous êtes un trouble-fête. »« Ce n'est pas moi, c'est le temps, car tu vois que j'ai fait mes préparatifs. » En effet, monsieur de la Hérodière était armé d'un marteau de géologue, d'un ciseau et d'une pioche, une boîte en fer blanc lui battait dans le dos. « Si le temps se fâche, » continua Georges, « nous aurons tout au plus quelques gouttes de pluie. » « Ce n'est pas la pluie que je crains, c'est le vent. »« Que pense monsieur Narbanton ?» demanda Charlotte. « Il connaît la mer mieux que nous. »« Je ne connais pas la mer de ses côtes, mais quand le baromètre baisse, il faut avoir égard à son avertissement. »« En voiture, » dit Georges, « à Port Navalo, nous consulterons le pilote. Il connaît la côte, lui. »« Voilà une parole raisonnable, » dit monsieur de la Hérodière. « Je t'en fais compliment. Allons donc à Port Navalo. Je n'ai pas peur du vent sur terre. » Le pilote décidera en dernier ressort. Mais les pilotes ressemblent par plus d'un point aux oracles. Leurs réponses, bien souvent, se règlent sur les questions qu'on leur pose, et ils ont la précaution de les faire assez obscures ou assez ambiguës pour que chacun puisse les interpréter au gré de son désir. « N'est-ce pas, pilote, que nous n'aurons pas mauvais temps aujourd'hui ?» demanda Georges en embarquant sur le yacht. « Le vent est bas. Il s'élèvera, c'est certain. » « Je ne mens point. Il s'élèvera ou ne s'élèvera pas. Il faudra voir. »« Il faudrait voir tout de suite. Nous avons envie d'aller à l'île d'Ouatt et nous ne pouvons attendre. Pour lors, on peut appareiller. »« Oui, mais le peut-on sans danger ?» demanda monsieur de la Hérodière en intervenant. « Toute la question est là. »« Vous savez, la mer est la mer. »« Ce que je vous demande, c'est de savoir si nous sommes menacés d'une tempête. »« Le sémaphore n'a pas hissé le cylindre. » Ce fut tout ce qu'on en put tirer. Monsieur de la Hérodière était hésitant, mais Charlotte, voyant que Georges désirait vivement cette promenade, se chargea de décider son père, et comme toujours, celui-ci céda. On hissa la grand-voile, et le Bourguignon mit le cap sur les îles. Georges, placé à côté du pilote, lui prouvait par une série de raisons démonstratives que le temps ne pouvait être que beau. Celui-ci ne répondait ni oui ni non, et se contentait de regarder avec un sourire ce Parisien qui parlait si bien des choses de la mer. Pendant ce temps, Charlotte et monsieur de la Hérodière, précédés de Narbanton, visitaient le yacht et s'étonnaient que dans un si petit navire, on eût trouvé moyen de loger tant de choses. La cabine surtout les émerveilla. Elle servait à la fois de salle à manger, de salon, de bibliothèque et de chambre à coucher. Dès la porte et au premier coup d'œil, on comprenait qu'elle avait été aménagée par un homme qui n'aimait pas seulement le confortable, mais qui avait surtout le goût du beau. Les ustensiles de table qui garnissaient le dressoir étaient en argent, pour ne pas se casser en tombant dans un coup de mer, disait leur propriétaire. Mais ils avaient encore plus de valeur par la forme et le dessin que par la matière. Sur les rayons de la bibliothèque était rangée une collection de volumes de format elzévirien pour tenir moins de place, disait Narbanton. Et chacun de ces volumes était recouvert d'une reliure de prix. Sur le parquet, un tapis de Smyrne, moelleux aux pieds et doux à l'œil. Au lambris, deux petits tableaux de coraux qui représentaient des nymphes dansant dans un bois et leur faisant vis-à-vis le portrait d'un homme d'une quarantaine d'années à la physionomie intelligente. Comme les yeux de Charlotte s'attachaient avec curiosité sur ce portrait, « Forbes, » dit Narbanton, « mon ami, mon compagnon de voyage. » Puis, s'adressant à M. de la Hérodière, « vous retrouverez ce portrait gravé en tête des notes de voyage de mon pauvre camarade, dont je vais faire en ce moment une édition. Ces notes sont malheureusement bien décousues, mais je les publie telles qu'elles sont, et c'est depuis 2 ans une grande occupation. Je tâche que ces 2 volumes soient dignes de lui. Au reste, je ne veux pas les mettre en vente, et je ne les offrirai qu'à des gens capables de les lire et de les apprécier. Si vous le permettez, je serai heureux de vous envoyer un exemplaire. » Lorsqu'ils remontèrent sur le pont, on commençait à distinguer nettement les falaises de Watt. Le vent avait fraîchi, et l'on avait pris des ris dans la voilure. Penché sur la lame qui se creusait déjà, le bourguignon volait rapide et léger comme un oiseau qui rase la mer. De temps en temps, son beaupré plongeait dans la lame, mais pas une seule goutte d'eau n'avait encore mouillé son pont. « Il me semble que le vent s'affirme, » dit Monsieur de la Hérodière, en regardant l'horizon sombre, éclairé de place en place par 2 longues lignes vertes et jaunes. « Dans 5 minutes, nous serons à Watt, » répliqua Georges, qui commençait à pâlir. « Dans 1 quart d'heure, vous pourrez débarquer au port de Tréharer-Gourette, » dit le pilote. En effet, en moins 1 quart d'heure, on fut à l'abri dans ce port. Mais au moment où l'on allait débarquer, le pilote arrêta Narbanton. « Si ce n'est pas l'intention de la société de coucher ici, il ne faudrait pas rester trop longtemps. Le vent hale le nord-ouest. »« 1 heure, est-ce trop ?» demanda Georges. « Vous savez mieux que moi ce qu'il vous faut. » Mais une fois qu'on fut dans l'île, on oublia la recommandation du pilote. Et M. de la Hérodière, qui tenait à constater par l'inspection du terrain comment l'île avait pu être détachée autrefois du continent, n'eut plus le sentiment du temps qui s'écoulait. Lorsqu'on revint au port, il y avait 3 heures qu'on en était parti. Au loin, la mer était blanche d'écume, et sous les nuages noirs qui traînaient en passant rapidement, elle éblouissait les yeux comme l'eût fait une plaine de neige mouvante. « Il me semble que le vent a fraîchi, » dit Georges. « Vous auriez dû nous prévenir, pilote. »« Peut-on regagner Port Navalo ?»« On peut toujours ce qu'on veut. En partant, il va falloir tirer des bordées. Le vent est debout. Il y aura des pieds mouillés. » « Tenez-vous essentiellement à rentrer ce soir ?» demanda Narbanton, intervenant. « Je suis certain que nous pouvons entreprendre la traversée sans danger. Le bourguignon est solide, et le pilote connaît son affaire. Seulement, au lieu 1 heure au retour comme à l'aller, il nous faudra peut-être 4 ou 5 heures. » À ce mot, tout le monde se récria, Georges surtout, « 4 heures de mer par ce temps ?»« Je ne vois qu'un moyen, » continua Narbanton, « d'éviter cet ennui au cœur sensible, c'est au lieu de lutter contre le vent, de lui céder. » Au lieu de regagner Port Navalo, de nous laisser porter à Belle-Île. Nous aurons vent arrière et nous serons au palais dans 1 demi-heure. Nous trouverons là à dîner et à passer la nuit moins mal que dans le Bourguignon. Et demain, quand le vent sera calme, nous rentrerons à Port Navalo. Charlotte était à l'abri du mal de mer. Mais en venant, elle avait remarqué la pâleur de Georges. Elle appuya la proposition de Narbanton. Et en quittant Watt, on mit le cap sur le palais, où l'on arriva bientôt. Mais le vent ne se calma pas pendant la nuit comme on l'avait espéré. Il souffla au contraire en tempête, secouant terriblement les vitres de l'Hôtel de France. Il ne fallait pas songer à partir. Au lieu de s'embarquer sur le Bourguignon, on prit une voiture pour aller à la pointe aux Poulains voir la mer sauvage. Pendant la plus grande partie de la journée, on resta à regarder les vagues furieuses qui, ayant pour se développer sans obstacle l'immensité de l'Atlantique, arrivent sur cette côte où, rencontrant pour la première fois une barrière, elles se ruent sur elle, remontent à l'assaut contre les parois polies des rochers, s'élèvent jusqu'à une hauteur de 30 ou 40 mètres et retombent à la mer en tourbillon. On resta là jusqu'au soir, ne parlant pas, car les oreilles assourdies par les bruits de l'océan et de la tempête n'entendaient pas la voix humaine, mais regardant sans se lasser. Puis on entra à l'hôtel, et après dîner au coin du feu, on pria Narbanton de raconter ses voyages. Le lendemain, la tempête n'était point apaisée, et le port était plein de navires, entrés en relâche. On fit une nouvelle promenade dans une autre partie de l'île. Personne ne souhaitait que le vent tombât. L'intimité s'était établie entre tous. Charlotte ne trouvait plus gênante la présence de Narbanton. Il était si bon enfant, si simple, avec cela plein de cœur. Elle savait gré à Georges d'avoir un tel ami. Fin de la section 14.